Soyez les bienvenus sur Fadjet pour un tout nouveau programme autour de l'actualité du social. Et pour nous en parler, eh bien, on retrouvera régulièrement autour de la table différents intervenants. Notamment aujourd'hui, nous avons Kassem et Nadia. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Très bien. C'est une première ? Une première. Pour expliquer un peu qui vous êtes, on va commencer avec Nadia, donc qui est RPI. Vous êtes tous les deux à l'IRTS de Nancy. RPI, c'est quoi ? Alors, RPI, c'est relations publiques et internationales. Parce qu'à l'IRTS de Lorraine, nous avons besoin d'avoir des relations, notamment sur le territoire lorrain, mais on est sur Erasmus et la mobilité internationale, que je vous présenterai tout à l'heure. Voilà, on va y revenir. Et Kassem, donc, ton rôle ? Je suis coordinateur pour le CFA, donc le Centre de formation des apprentis de l'IRTS de Lorraine, pour le secteur Lorraine-Sud, donc qui comprend Nancy et le territoire des Vosges. Alors, l'IRTS, c'est une vieille dame sur Nancy parce que ça existe depuis très longtemps, mais tout le monde ne sait pas trop forcément ce qu'il y a derrière. L'IRTS, ça veut dire quoi déjà, IRTS ? L'Institut Régional du Travail Social. Ce qu'il faut savoir, c'est que les IRTS en France, ce sont les établissements qui sont habilités, agréés par région pour former les travailleurs sociaux de demain. Et pas seulement. Il y a aussi de l'animation, il y a aussi de la recherche, mais le gros du travail, le gros de la mission que la région attend de nous, c'est de former nos concitoyens à devenir des travailleurs sociaux. Et pourquoi alors vouloir créer une émission régulière pour présenter un peu ce qu'est le travail social ? Alors pour nous, il est important de communiquer sur le travail social. L'IRTS dispense 27 formations au total. Je ne vous les citerai pas toutes, mais en tout cas, voilà, on pourra y revenir dans le cadre de prochaines émissions. Pour nous, il est important de pouvoir communiquer et d'informer, en tout cas, toutes les personnes intéressées de pouvoir se former dans ce secteur-là. Des possibilités, des débouchés, il y en a beaucoup. Donc les employeurs, en tout cas sur le secteur, cherchent abondamment des travailleurs sociaux aujourd'hui, donc il est important de pouvoir gérer, transmettre ce besoin donc aux auditeurs. Et de valoriser aussi ces métiers qui parfois ont vraiment toujours une mauvaise image. Hein. Complètement, ouais, faire sauter effectivement ces représentations, de parler, on va dire, de manière positive des métiers. L'idée, c'est un peu ça, c'est de valoriser, de reconnaître aussi, parce que la reconnaissance aussi, c'est important, bah, des métiers qui, en tout cas, en valent vraiment la peine, quoi. Nadia ? L'intérêt, c'est aussi d'expliquer à travers ma mission ce que j'ai réussi à construire et c'est important pour l'Institut et pour moi parce que j'ai des valeurs que je partage avec cet Institut, sinon j'y resterai pas. C'est aussi de permettre à toute personne de savoir ce qui compte pour moi. Quand je rencontre un groupe d'individus, que ce soit des lycéens, des demandeurs d'emploi, des monsieur, madame, tout le monde, nos concitoyens, c'est qu'ils sachent à quoi sert un travailleur social. Et ce qui m'importe à travers ces émissions, c'est aussi, là, on a vraiment gagné quand on va voir des lycéens, que certains ont peut-être la vocation ou pas, que certains pensaient vouloir devenir travailleur social et en fin de compte ne le deviendront pas, et d'autres n'y pensaient pas et vont le devenir, mais surtout que l'ensemble de ces jeunes sachent à quoi sert un travailleur social. Ça, c'est ce qui m'importe vraiment, moi, en tant que citoyenne et en tant que travailleur social. Et c'est ce qu'on va pouvoir faire passer par ce programme et aussi par tous les témoignages qui peuvent aussi valoriser, mettre en avant ces vécus, tous ces parcours, parce qu'il y en a énormément des parcours différents qui amènent à un travail social ou à autre chose. Tout à fait. Pour l'illustration, cette année, par exemple, quand on a fait les journées portes ouvertes, d'habitude, on faisait intervenir quelques employeurs, histoire que les personnes puissent imaginer ce qu'était le travail social. Mais on s'est dit, on va toujours être trop subjectif, parce qu'il n'y aura pas assez de place, puisqu'on veut valoriser d'abord nos activités pendant les portes ouvertes. Mais les peu de places qui nous restaient dans chaque établissement, à Metz et à Nancy, on a fait venir l'Institut de l'engagement, on a fait venir la FEVE, on a fait venir deux associations, une Christelle à Nancy et un réseau à Metz qui s'occupe de l'international et de l'Europe, de la mobilité en fait, du volontariat. Mmh. En fait, l'idée pour moi, c'était de faire en sorte que quelqu'un, qu'il soit jeune ou pas jeune, accompagné de ses parents ou pas, se dise « j'ai envie de devenir travailleur social, mais peut-être pas cette année ». Eh ben, au moins, en étant venu dans cette journée porte ouverte, il repartait avec une solution. Vous voyez, ça m'apportait vraiment. Parce qu'on a vraiment mesuré une chose, c'est que on entend un peu partout dire, ouais, les jeunes, ils ont plus de solidarité, ils communiquent plus, ou autre et tout. C'est pas vrai. Parce que moi, je suis pas toute jeune, mais je suis pas non plus à la retraite. Je les côtoie au quotidien et ils ont vraiment envie de faire des choses, ils ont vraiment envie de vivre des choses et changer le monde et participer à de leur place à des changements par le travail social aussi. Et on en aura certainement autour de cette table pour venir témoigner, expliquer un peu tout ça. Vous avez évoqué qu'il y avait énormément de métiers autour du travail social, je crois 27, hein, il me semble. Si on peut donner quelques exemples de travail, parce que le travail social, c'est tellement vaste. Oui, Nadia ? Oui, moi j'ai envie d'en évoquer certains parce que là, cette émission, elle est d'actualité. Et par exemple, on en a beaucoup, comme vous dites, mais j'en ai deux à évoquer en ce moment. C'est le moniteur éducateur et le technicien d'intervention sociale et familiale. Pourquoi ? Parce que les gens peuvent encore s'inscrire jusqu'au mois de mai, alors que les autres filières sont fermées au niveau de la formation qui est prise en charge par l'État, la région Grand Est. Et ça, c'est important. J'aimerais bien qu'on puisse avoir un moment aussi pour expliquer à nos concitoyens quels sont leurs droits à être financés dans une formation ou pas. Mais en tout cas, pour ceux qui se reconnaîtront ou ceux qui ont des proches qui ont envie de venir dans le travail social, les métiers de moniteur éducateur et les métiers de technicien d'intervention sociale et familiale sont en plein recrutement et on a vraiment des besoins. C'est-à-dire qu'il y a des places dans nos écoles avec des formations qui sont prises en charge par la région Grand Est et qui vont permettre à des personnes d'avoir un premier niveau de qualification puisque une fois qu'on est titulaire du diplôme d'État de technicien ou de moniteur, on a un niveau équivalent au bac. Donc c'est accessible assez facilement. Sans diplôme, et j'aimerais rajouter également, concernant l'apprentissage en tout cas, pour le service de l'IRTES pour lequel je travaille, c'est qu'effectivement, j'irai ces deux formations-là, donc de moniteur éducateur et de technicien d'intervention sociale et familiale. Il y a eu un décret du 5 juillet 2024 avec une mise en application au 1er septembre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces formations-là, donc il n'y a plus besoin de passer par la sélection. Donc en apprentissage, aujourd'hui, non seulement les personnes peuvent accéder à la formation jusqu'à début décembre au plus tard, donc l'entrée en formation se fait mi-septembre, donc à condition donc, de trouver un employeur, donc pas de sélection, pour de l'apprentissage uniquement, être âgé de 16 à 29 ans, et sans limite d'âge pour des personnes qui bénéficieraient de ce qu'on appelle une RQTH, une reconnaissance des qualités à travailleurs handicapés. Donc là, tout au long de la vie, on peut se former sans souci. La condition, c'est aussi de trouver un employeur, un patron qui va signer un contrat d'apprentissage avec la personne qui est intéressée par ces deux formations-là. Du coup, ça ne concerne pas que ces deux formations-là. Oui, l'apprentissage est ouvert pour toutes. L'apprentissage est ouvert pour toutes, et aujourd'hui, concernant l'apprentissage, en tout cas à l'IRTES de Lorraine, c'est 15 formations au total. Donc je parlais de 27 formations tout à l'heure pour ce qui concerne l'IRTES de Lorraine. Effectivement, donc 27, ça va de la voie directe, donc avec ses statuts d'étudiant, donc voilà, donc 27 formations au total. L'apprentissage, on est en train de se développer, aujourd'hui c'est 15, j'espère plus demain, mais en tout cas voilà, c'est déjà beaucoup. Donc on le voit, une énorme diversité et beaucoup d'informations à partager, ouais, parce que c'est tellement complexe qu'on le voit par rapport au CFA, par rapport aux aides qui peuvent être apportées aux jeunes, voire moins jeunes aussi. Donc cette chronique va permettre de faire un peu le tri et d'expliquer au fur et à mesure ce qu'on va pouvoir faire. En fait, ce qu'on aimerait bien vraiment, c'est que on aspire vraiment à ça, c'est que nos concitoyens lorrains, parce qu'on est en charge à Lorraine, on ne s'occupe pas du Grand Est, puisque même si on est financé par le Grand Est, chaque petite région, nos anciennes petites régions, à sa propre école en travail social. Et on respecte cette question de territoire. Même si le Lorrain, la personne qui habite en Grand Est, d'ailleurs, comment ça s'appelle quelqu'un qui s'appelle le Grand Est? Moi, je sais que je suis une Lorraine de naissance, mais il faudra un petit quiz hein, pour ceux qui nous écoutent. Mais moi, j'aimerais bien qu'on ait la possibilité de leur expliquer qu'est-ce que c'est un contrat d'apprentissage, parce qu'ils pensent savoir, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, mais un contrat pro, c'est quoi les droits? Et aujourd'hui, vous voyez, par exemple, j'aimerais bien pouvoir avoir autour de la table une personne qui explique, en même temps que nous, dans quel cas le contrat pro est possible pour des futurs travailleurs sociaux. Mais pas seulement des personnes qui en bénéficient, mais ceux qui ont la main sur cette information. Vous voyez ce que je veux dire? On travaille avec beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de prescripteurs. Les prescripteurs aussi, il faut qu'on ait la possibilité de permettre à quelqu'un qui nous écoute de se dire « Mais moi, j'ai le droit à ça, en fait. Mais moi, je peux faire ça. » Mais moi, j'ai envie d'essayer, vous voyez. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans cette chronique. C'est présenter, effectivement, l'offre de service, clairement, puisqu'on a les étudiants, voilà, ceux qui, effectivement, vont faire leurs vœux via Parcoursup. On a les apprentis, bon, entre 16, 29 ou RQTH, comme je l'ai souligné tout à l'heure, mais également gérer des personnes qui sont demandeurs d'emploi, qui seraient aussi en reconversion professionnelle. Donc, le champ est très large, le panel est très large. Toute personne, quel que soit l'âge, peut intégrer, en tout cas, les offres sont dédiées pour pouvoir, en tout cas, répondre au maximum de personnes, et quel que soit l'âge. En tout cas. Même aussi par rapport aux professionnels qui peuvent accueillir ces étudiants-là aussi, ils ont besoin aussi de communiquer. Ah, vraiment très largement. Si j'ai une chose à proposer pour ceux qui nous écoutent, c'est de prendre contact avec votre radio et avec nous pour pouvoir aussi travailler ensemble sur cette question de ce qu'est un travailleur social, un intervenant social. Je veux dire, les gens en résument beaucoup sur ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas, sur ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas, mais en réalité, un travailleur social, en fait, les statistiques sont claires, quoi. 2 ou 3, 4, 5, aujourd'hui, on ne sait plus, mais on sait que c'est au-dessus de 5. Français sur 10 auront besoin d'un travailleur social dans leur vie. Moi, je veux vraiment casser cette idée, c'est les cassos qui ont besoin de travailleurs sociaux. C'est une fausse idée. C'est vraiment un ennemi, jurez ça. On a tous un papy, une mamie, un papa, une maman, un frère, une sœur, un enfant, un cousin, un voisin qui aura besoin qu'on puisse, nous, faire intervenir un travailleur social. par un accident de la vie, par un accident de la route, par un accident de travail, par la perte d'un être cher. La dépression aujourd'hui apporte beaucoup de difficultés chez l'être humain et on se rend compte que le travailleur social a une place aussi à jouer avec le psychologue ou le psychiatre. Et on veut pas l'entendre, on veut pas le voir parce que c'est des choses qui font un peu peur, qui effraient. Mais quand on écoute les informations tous les matins, on entend qu'il y a eu un fait divers et qu'on se dit, mais dans le fait divers, on se rend compte que la personne n'était pas bien suivie par la psy ou qu'elle allait plus au rendez-vous à tel endroit, vous comprenez? Et ça fait écho. Donc maintenant, on a deux solutions. Soit on en parle tous ensemble et on essaye d'agir tous ensemble parce qu'on fait société. Soit on est dans le déni et on passe chemin. Moi, j'ai décidé d'être dans la première catégorie. Et bien, grâce à vous, ça va agir et on vous retrouvera très régulièrement à l'antenne. On va pas se quitter tout de suite parce qu'il y a aussi de l'actualité avec l'IRTS. Il y a deux événements, notamment un fin avril. Le Salon Talents de Femmes, Nadia. Tout à fait. Le Salon Talents de Femmes, alors c'est un salon qui est organisé par un groupe qui s'appelle les Sœurs Optimistes Internationales de Meurthe-et-Moselle ou de Nancy. Ces personnes, c'est un groupe de femmes. C'est une ONG. Moi, c'est comme ça que je les ai connues parce que c'est une organisation non gouvernementale. Et en fait, cette organisation fait beaucoup de choses. Et moi, je les ai rencontrées parce qu'elles ont soutenu des étudiantes qui cherchaient à sponsoriser un voyage au Sénégal. Pas pour aller faire du tourisme. On est sur l'intervention sociale et la solidarité internationale. Et en fait, ces femmes se sont mobilisées pour créer des actions et leur permettre de récolter des fonds. Là, elles sont sur un rendez-vous qu'elles ont de manière annuelle. Elles rassemblent un maximum de femmes artisanes qui sont sur le territoire meurthe-et-mosellan. Et en fait, elles les valorisent sous forme de salon dans un endroit qui est un écrin merveilleux pour les accueillir puisque c'est les grands salons, l'hôtel de ville avec la ville de Nancy. Et ça dure deux journées et demie. C'est du 25 au 27. Et là, l'IRTS, on y est avec des étudiantes volontaires. Pourquoi? Parce que nos étudiantes vont jouer les hôtesses. Elles vont pas être là pour dire vive l'IRTS. On n'est pas dans ça hein, quand on est dans des partenariats. Elles sont là pour accueillir, discuter, échanger et rappeler qui elles sont et qui elles vont devenir. Je suis étudiante en travail social. Vous ne connaissez pas? Eh ben voilà ce que je vais devenir dans votre vie un jour ou l'autre. Voilà. Comment on va se rencontrer? C'est ça l'idée. Vous voyez, nous, on n'a pas de prospectus, on n'a pas de t-shirt IRTS. On aura le dress code que les Sœurs Optimistes vont nous donner. Le deuxième événement, puisque j'en profite. Bien sûr, il faut. C'est le 29 mai, 30 mai, 31 mai et 1er juin au Jardin de Michel. Je pense qu'on se rencontrera là-bas. C'est ça, oui. Ah, avec plaisir. Et là, on a un stand, pour le coup. On est, vous savez, sur le jardin, il y a le village du jardin. Et donc, on a un stand et pareil, on est sur un stand qui va être accueillant, qui va être dans l'échange avec tous nos concitoyens qui seront de passage, puisqu'on sait que dans ce festival, on a quatre générations. Des fois, moi, ça m'est arrivé de voir grand-père, père, fils et petit-fils. Donc, ça, j'ai vraiment vécu. Donc, du coup, on a toutes ces générations qu'on rencontre. Et là, pareil, je suis accompagnée d'étudiants et d'étudiantes qui sont là pour valoriser le lien social. Pour parler de tout ce qui est préventif aussi, parce que voilà, il y a les conduites addictives, il y a aussi le danger de l'harcèlement, le danger des agressions sur les festivals. Et enfin, on a deux équipes qui tournent, qui s'occupent des personnes en situation de handicap. Alors, qui vont aider les travailleurs sociaux qui vont venir avec des personnes accompagnées, ça peut être des personnes en situation de handicap, ou des jeunes qui sont accueillis par l'aide sociale à l'enfance, ou que sais-je. Toutes les personnes sont les bienvenues. Et elles vont aussi permettre, dès qu'il y a une famille qui va arriver avec quelqu'un qui est en situation de handicap, de les alléger, leur dire « nous, on est là ». Vous pouvez aller chercher boire un coup, nous, on va aller se balader avec, on va aller présenter nos amis. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui se joue en termes de lien social pour que les familles aient envie de sortir avec une personne en situation de handicap. Sur fauteuil roulant, c'est pas donné à tous. Hein, oui. Et qui se disent, dans cet endroit-là, il y a les étudiants d'IRTS qui sont là et qui nous accompagnent grâce à l'équipe du Jardin de Michel qui organise aussi cet accompagnement, bien entendu. Voilà, encore un bel exemple de ce qu'on pourra mettre en valeur dans ce programme régulier sur Fadjet. L'IRTS, pour retrouver des infos, on a abordé plein de choses, mais si on veut retrouver tout ça, bien sûr, le site internet, c'est quoi donc? C'est www.irts-lorraine.fr et physiquement, donc, les bâtiments de l'IRTS se situent 201 avenue Pachard à Nancy. Et puis les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, et je rajoute qu'ils peuvent tous envoyer un message à com@irts-lorraine.fr. Com communication. Et c'est moi qui répondrai vraiment avec plaisir à tout le monde. Je réponds individuellement. Merci beaucoup, Nadia. Merci beaucoup, Kassem. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.